sauver la façade, ils font semblant de faire le bien. Il n'y a pas d'indigents ici, il n'y a pas de pauvres ici, encore moins des sans-abris. C'est Noël, c'est les chiens, chez les chiens. Assis à la table des gens pas très aimables, de les bassesses, ils sont capables. Des mères corrompues et indécrottables, bien entourées de quelques minables. Le secret de la richesse ici, il y a de l'or et des diamants ici. On parle économie ici, car c'est Noël chez les chiens. Noël chez les chiens. Garde du corps, celui qui les affronte frôle la mort. Les honneurs en se prosternant, ils iront dans le ciel.